Tu habitais où quand tu avais 16 ans ? J'habitais à Calcutta avec ma sœur. Tu aimais l'école ? Comme ci, comme ça. En fait, j'aimais bien m'amuser et rire. J'avais beaucoup d'amis, on s'amusait bien. Tu pensais venir un jour en France ? Pas du tout. Mais j'avais envie de voyager, de connaître d'autres villes, d'autres régions, d'autres pays. Mais c'était un rêve. Maintenant, mon rêve s'est réalisé.